tiens. Celui qui suit droit chemin, l'équipe ne manque de rien. Ici le respect l'obtient. Je vais pas vous dévoiler tous nos petits secrets, mais je vais pas vous le cracher. Voilà quoi je passe mes journées. Vous pourrez que le trait c'est mon identité. Chaque coup non sait quoi faire, se donner rendez-vous au stade vert. Le football c'est notre univers. On a le don de notre existence. On est sans prière, de soir, on est sans. C'est notre quotidien, aucune autre ombre. On passe les vilains, même si on ne se connaît pas depuis la maternelle. On sait que notre amitié est pure et éternelle. Quand ça donne une belle, le système se sort, augmente les décibels. Qu'est-ce qu'on parle de ses amis d'enfant. Je pense tout simplement jamais changer et marcher en avant. Alors qu'est-ce qu'on s'en va à balle, c'est à toi, cherche ton visage. C'est bon t'inquiète, c'est notre quotidien, je vais juste commencer par ce refrain. C'est notre quotidien, on suit notre ombre, pas celle des vilains. Même si on se connaît pas depuis la maternelle, on sait que notre amitié est pure et éternelle. Qu'ensemble notre vie est belle, système social augmente les décibels. Voilà mon quotidien, baisse ton regard autant mesquin. Sois pas jaloux de moi, même si mon portrait apparaît dans tous les bouquins. Enfin voilà, ici c'est 100% respect, sauf pour les fous qui essayent de se déguiser. Peut-être que chez toi le sourire est une option, mais ici le délire est comme une obligation. Allez reste dans ta petite prison. Nous on s'éclate vers seconderie à Ivaldi, c'est notre seconde famille. Dédicace à toute l'équipe. Écoute ce son, c'est moi qui invite. Chaud, fu. Yeah, compte d'album. C'est notre quotidien, on suit notre ombre, pas celle du vilain. Même si on ne se connaît pas depuis la maternelle, on sait que notre amitié est pure et éternelle. Casse à nos vies, belle système tout ça augmente les décibels. Belle. Yeah, c'est la seconde de chouchou du fufu. C'est notre quotidien, on suit notre ombre, pas celle du vilain. Même si on ne connaît pas depuis la maternelle, on sait que notre amitié est pure et éternelle. Casse à notre vie, belle système tout ça augmente les décibels. Ah!